Je crois avoir déjà remarqué qu'il y a des temps où je suis si peu semblable à moi-même qu'on me prendrait pour un autre homme de caractère tout opposé. On va en voir un exemple. Monsieur Rédelet, curé de Seyssel, était chanoine de Saint-Pierre, par conséquent, de la connaissance de monsieur le maître, et l'un des hommes dont il devait le plus se cacher. Mon avis fut au contraire d'aller nous présenter à lui et lui demander gîte sous quelque prétexte, comme si nous étions là, du consentement du chapitre. Le maître goûta cette idée qui rendait sa vengeance moqueuse et plaisante. Nous allâmes donc effrontément chez monsieur Rédelet, qui nous reçut très bien. Le maître lui dit qu'il allait à Belley, à la prière de l'évêque, diriger sa musique aux fêtes de Pâques, qu'il comptait repasser dans peu de jours, et moi, à l'appui de ce mensonge, j'en fis des cent autres si naturels que monsieur Rédelet, me trouvant joli garçon, me prit à l'amitié et me fit mille caresses. Nous fûmes bien régalés, bien couchés. Monsieur Rédelet ne savait quelle chère nous faire, et nous nous séparâmes, les meilleurs amis du monde, avec promesse de nous arrêter plus longtemps au retour. À peine pûmes-nous attendre que nous fussions seuls pour commencer nos éclats de rire, et j'avoue qu'ils me reprennent encore en y pensant, car on ne saurait imaginer une espièglerie mieux soutenue et plus heureuse. Elle nous eût égayés durant toute la route si monsieur le maître, qui ne cessait de boire et de battre la campagne, n'eût été attaqué deux ou trois fois d'une atteinte à laquelle il devenait très sujet et qui ressemblait fort à l'épilepsie. Cela me jeta dans des embarras qui m'effrayèrent et dont je pensais bientôt à me tirer comme je pourrais. Nous allâmes à Belley passer les fêtes de Pâques, comme nous l'avions dit à monsieur Rédelet. Et, quoique nous n'y fussions point attendus, nous fûmes reçus du maître de musique et accueillis de tout le monde avec grand plaisir. Monsieur le maître avait de la considération dans son art, et la méritait. Le maître de musique de Belley se fit honneur de ses meilleurs ouvrages et tâcha d'obtenir l'approbation d'un si bon juge. Car, outre que monsieur le maître était connaisseur, il était équitable, point jaloux et point flagorneur. Il était si supérieur à tous ses maîtres de musique de province, et ils le sentaient si bien eux-mêmes, qu'ils le regardaient moins comme leurs confrères que comme leurs chefs.